Je ne saurais dire lequel me mina le premier. Je pourrais dire son nom, ça n'a pas d'importance. Voici son nom. Il faut bien rentrer dans l'œuf. Faire rentrer tout ceci dans l'œuf, rien ne doit dépasser surtout. Retourner dans l'œuf si jamais, au grand Dieu, jamais un petit bout seul dépasse. Il faut le rentrer de toutes ses forces, coûte que coûte. Et ça coûte beaucoup. Il s'agissait simplement de ces quelques mots qui me détruisirent les premiers. S'agissait-il des premiers mots? N'y en avait-il pas eu avant, de ces mots qui me détruisirent, me mirent plus bas que terre? Je ne suis plus sûr. C'est certain. C'était des chuchotements même. À vrai dire, ils étaient si insignifiants, prononcés par une bouche si faible. Je les ai peut-être inventés. Comme une excuse montée en épingle. Une tête, un cheveu hors limite qui apparaît au grand jour. Ça n'est pas tolérable. Il faut cesser d'exister sur le champ, il faut être raisonnable. Mourir avant l'heure, comme tout le monde. Allons bon, tu n'es plus vraiment conforme. Tu déraisonnes. Tu es peut-être fou. Y as-tu songé? Pourquoi donc vouloir à tout prix être toi-même, puisque tu es fou? On n'a pas idée de se lancer dans des acrobaties pareilles. Ça ne colle plus avec l'image. Le gentil deviendrait-il atroce, par la force des choses, peut-être? Sois donc un petit universel dérisoire. Attends la mort sagement dans l'œuf, en mitouflé, pour accélérer le temps long. Cet énorme mal pour entrer un bras, une jambe. Comment ont-ils pu concevoir un œuf aussi malingre et confiné? Un fœtus y entrerait à peine. Mais j'en suis un. Une civilisation de fœtus. Voilà une somme infinie de diversion pour passer le temps, se divertir, faire diversion de quoi après tout? De l'étroitesse de l'œuf personnel, malingre et confiné? Le signal d'alerte est réglé au millimètre. On ne met pas le nez dehors sous peine d'on ignore quoi. Le danger est partout. Il rôde, prêt à nous abattre sur le champ au premier faux pas. Le danger, on ignore quoi. Peut-être exister un court instant. Un instant infinitésimal. Être profondément soi-même, au moins pour essayer, savoir ce que ça fait. Comme un jeu. Laisser le surhomme contorsionniste et illusionniste dans son œuf. Et cela fait quoi? Raconte-moi.